garde à la dérobée, en feuilletant un bus sur ses vies, tout corné, un peu inquiet. À sa droite, somnole, une petite vieille qui fignole tendrement sa prochaine rouelle aux olives et au tout piment. Ça sent un peu l'oignon frit dans la salle d'attente de Rosemary. D'à côté atterrit à mes pieds, son père un gros balèze et moi on se penche pour le ramasser. C'est marrant, son sourire de gosse sur son corps plaqué. La porte capitonnée s'ouvre enfin, un jeune à béquilles s'engouffre. Un peu d'éther se mêle aux odeurs de bouffe. Continuer à avancer, on va continuer à avancer.